Vous connaissez, je voudrais remercier de m'avoir invité ici. Ça a dû choquer un certain nombre de gens que j'ai exprimé sur la question de l'intégrité scientifique. Mais je vous remercie, j'ai accepté parce que peut-être pour un certain nombre de gens ici qui me connaissent, ou un certain nombre de gens qui me connaissent, je ne suis pas du genre à me cacher et j'aime bien discuter. On m'a dit de ne pas parler pendant très longtemps pour des raisons institutionnelles, statutaires, je me suis tué. Mais maintenant que ces choses ont été levées, je peux parler. Je ne parle pas beaucoup. J'ai fait une interview récemment. Donc je m'exprime ici pour la première fois devant des gens. Et je vous remercie de me donner cette occasion. L'autre chose que je voulais dire, c'est tout ce que je vais dire ce soir, je peux le prouver de façon absolument irréfutable. Donc, je vous encourage, les membres de cette audience ou n'importe qui d'autre, à me demander les preuves de ce que j'avance si vous pensez que ce que je vais dire est trop extraordinaire pour vous. Donc, la première chose que je voulais dire à propos du sujet que j'ai proposé, c'est-à-dire c'est les droits et devoirs au niveau institutionnel et au niveau du chercheur, dans les cas d'allégations de méconduite scientifique, je ne dis pas fraude, on pourra peut-être revenir sur la définition de ce que moi je pense être de la fraude. La façon dont j'ai pensé ça, c'était de passer en revue, en fait, simplement d'utiliser mon expérience, de vous apporter un témoignage de tout ce que j'ai vécu, moi, mon groupe, les gens qui étaient proches de moi, en essayant de résoudre les problèmes auxquels on était confrontés. Et vous allez voir qu'en fait, je vais vous donner des exemples très concrets, pas parler du blabla, l'éthique, les machins, les bidules. On a vécu des choses très précises. On a été dans des situations abominables, catastrophiques. Je dirais qu'en dans une certaine mesure, on n'a souvent pas été aidé par les gens avec qui, par lesquels, en fait, on aurait dû être aidé. On s'attendait vraiment à être le plus aidé. Effectivement, quand on est confronté à des situations comme la mienne ou celle du groupe de recherche que je dirige, il y a des moments où on a besoin d'aide, où on a besoin de support de personnes. Je ne dis pas qu'on n'a pas été aidé, mais en tout cas, on a vu au gré de la progression dans cette affaire, puisque c'est devenu une affaire, des failles, des anomalies tout du long de tout le parcours de ce qui s'est passé. Alors, c'est totalement indépendant, mais vous avez dû voir hier qu'une série d'articles sur mon affaire qui a été publiée, qui va être publiée par Le Monde, par David Larousserie, qui est ici, et vous avez dû lire le second volet de son enquête, que je ne vais pas commenter ici. Si vous l'avez lu, tant mieux, vous savez à quoi vous en tenir. Ce qu'il dit, évidemment, je le soutiens absolument, ce qu'il a écrit, c'est absolument la vérité. Et si vous voulez remettre en cause ce qu'il a dit, parce que ce que je veux dire, il suffit de lui demander ses sources, c'est facile d'attaquer Le Monde pour diffamation ou quoi que ce soit. Comme on peut m'attaquer moi. Avant de commencer sur les droits et devoirs, ce que j'aimerais dire d'abord en termes d'intégrité scientifique, c'est d'abord mes devoirs de chef de groupe lorsque tout va bien. C'est-à-dire que j'en ai toujours, lorsque je ne suis pas soupçonné ou jugé d'avoir fraudé. Avant tout ça, j'avais des devoirs de chef de groupe, même dans la situation de la vie normale du laboratoire. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le chef de groupe, avant tout, doit avoir une disponibilité pour son laboratoire, et en particulier, doit accorder suffisamment de temps aux membres de son équipe pour s'assurer au minimum que les résultats scientifiques qui ont été obtenus sont obtenus correctement. Et lorsqu'ils sont constitutifs de publication, ils sont adéquatement assemblés sous forme de filus. Adéquatement. Alors, personnellement, je ne pense pas avoir failli dans la première partie de l'attribution du chef de groupe. Nos conclusions scientifiques n'ont jamais été remises en cause, par qui que ce soit d'ailleurs. Les investigations elles-mêmes ont toutes prouvé que les résultats de notre recherche étaient correct et d'ailleurs qu'elle était menée et documentée de façon plus qu'adéquate. Ça, même le paradoxe a été soulevé par David Larousserie. Par contre, je reconnais totalement avoir failli dans ma seconde tâche de chef de groupe. J'ai manqué de vigilance, notamment dans la relecture des manuscrits de mon laboratoire, mais aussi de rigueur. C'est-à-dire que dans certains cas, j'ai été moi-même amené à monter des figures de mon propre laboratoire, pour aider par exemple des étudiants, et je n'ai pas eu la rigueur suffisante pour monter ces figures. Je l'ai toujours admis, Je ne me suis jamais caché de ça et j'ai toujours accepté et pris mes responsabilités dans ce sens. Je me suis publiquement excusé de ce qui s'est passé en 2015 plusieurs fois et ici, devant vous, ces gens-là qui viennent m'écouter, je réitère encore mes regrets, mes excuses. Je suis responsable de mon labo. Je pense que j'ai assumé ma responsabilité de chef relativement correctement. Je ne me suis pas beaucoup exprimé, mais quand je me suis exprimé, c'était pour assumer ce qui s'était passé dans mon labo. J'ai pris le blâme et je dis assez souvent qu'on n'est pas chef de groupe, surtout un chef de groupe comme moi, puisque j'étais devenu la star. Hein. On n'est pas chef de groupe pour avoir les médailles et boire du champagne quand on a des bons papiers, mais on est aussi chef de groupe pour assurer le service après-vente. Et lorsque la pré-vente est de la nature que vous connaissez, forcément, on doit être là. Et donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, je suis absolument catégorique sur ça. Je l'ai fait en silence. Je ne me suis jamais manifesté. J'ai vu tout ce qui a été dit sur moi. Mais vous pourrez remarquer, demain, que le travail a été fait, puisqu'on rit souvent de nos 20 corrections et nos 8 rétractions, mais elles ont été faites. Et mes 20 corrections, je peux vous dire qu'elles ne seront jamais remises en cause. Ces articles ont été corrigés. Je vous expliquerai comment ça s'est passé dans certains cas. En aucun cas, par contre, cette position que j'ai prise de prendre le blâme de ce qui s'était passé dans mon laboratoire et la position du chef, elle n'indique d'aucune façon que je prends la responsabilité des fautes, de l'entièreté des fautes qui ont été produites dans mon labo, c'est-à-dire que c'est moi qui les ai produites. En aucun cas. Ces fautes ont été produites par tout un tas de personnes du labo, moi y compris. Et ce n'est certainement pas ma responsabilité en tant que chef qui m'implique dans la réalisation de ces fautes. Là, je voudrais que ce soit clair. Ça a été aussi transformé la prise de responsabilité que j'ai faite. Et ce n'est certainement pas maintenant que je vais prendre la responsabilité de fraudes réelles, de fabrication, qui ont été documentées, avérées par la seule commission d'investigation qui a été menée par le CNRS en 2017-2018. Qui a conclu à l'existence dans les 4 cas investigués que j'avais proposés parmi plein d'autres investigations au CNRS, enfin, qu'il a accepté d'investiguer, que 4 cas sur 4 sont des cas de fabrication. Donc ce n'est pas de la fraude, au sens où il y a eu invention, mais c'est des figures qui ont été fabriquées à partir de briques et de brocs, à partir de données expérimentales qui, malheureusement, paradoxalement, sont tout à fait véridiques et qui ont été observées par toutes les commissions, qui sont absolument vraies et de très bonne qualité. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Donc des rétractions, il va y en avoir encore. Il y a eu des recommandations de la commission d'investigation. J'assumerai ces rétractations, mais je n'assumerai pas, et on le dira ni moi, ni les Cotins, ni le TH, m'ont encouragé à vous le dire, nous démontrons ce qui a été fait dans ces fabrications et aussi ce qui a été fait pour soi-disant corriger les papiers qui portent ces fabrications. Ça a été jusque-là. Ça, c'est une mise au point. C'est malheureux qu'on ait eu besoin d'en arriver à demander une seconde investigation qui est en fait une réinvestigation, donc on peut jouer sur les termes, quand 3 papiers sur 4 avaient été vus d'abord par une commission Théodule. Oui, on peut dire que c'est une réinvestigation, étant donné que 3 sur 4 des 4 papiers avaient déjà été vus par diverses personnes et on ne s'était pas rendu compte de la gravité de ce qui comptait. À ce terme, je dirais qu'on est arrivé à peu près à cerner ce qui s'est passé. Je trouve regrettable qu'on ait dû attendre encore 2 ans après la première phase pour le faire, puisque je persiste à dire que si le CNRS avait fait son travail correctement en faisant une investigation des faits, ce que ne pouvait pas faire entièrement le TH, puisqu'elle n'en a pas la juridiction légale, on n'en serait pas là. On n'aurait pas attendu encore 2 ans pour découvrir toutes ces salades. Ces choses terribles que vous verrez. Donc je voulais aussi vous prévenir. Voilà, effectivement, l'investigation a pris sa fin. On aurait pu aller beaucoup plus vite et surtout alerter nos confrères des dommages qu'on a causés pour la recherche beaucoup plus tôt. Je regrette énormément ça. Et je ne peux pas mettre un couteau sous la gorge au CNRS pour agir plus vite qu'ils n'ont agi. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Maintenant, j'ai appris mes leçons, en tout cas des leçons. C'est bien beau de venir faire le malin et de raconter maintenant, après coup, ce qui s'est passé, mais j'ai appris des choses. On dit souvent à toute chose, malheur est bon. Je veux dire que j'ai eu beaucoup de malheur. Les gens de mon groupe aussi, ceux qui ont fait des fautes, ceux qui n'en ont pas fait, mais on apprend. Et notamment, ce que j'ai appris, c'est que je gérais mal mon groupe. C'est évident que je ne pouvais pas avoir 30 personnes en Suisse et 15 à Strasbourg, et en même temps faire tous les voyages que je faisais dans des commissions, machin, bidule, les trucs, et pouvoir prétendre avoir le regard nécessaire ou la rigueur nécessaire pour m'occuper de l'intégrité scientifique des figures qu'on produisait, pas des résultats qu'on a produits, j'insiste bien, sur la façon dont on présentait ces résultats. Et d'ailleurs, ça ne concerne qu'une partie de notre production scientifique. Mais elle est suffisamment élevée pour que je comprenne que ça puisse choquer les gens, et que j'admets tout à fait que les gens soient choqués, voire irrités, même de me voir ici ce soir en train de m'exprimer. C'est tout à fait leur droit, et ça respecte certains problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai immédiatement pris en compte tout ça, en réduisant drastiquement la taille de mon laboratoire, le nombre, j'en ai plus qu'un. Mon laboratoire a été réduit des deux tiers. Est-ce qu'on s'en sort plus mal? Est-ce qu'on fait moins de belles sciences? Non. Rien n'a vraiment changé, mais je me suis rendu compte effectivement la quantité, pas la qualité d'un laboratoire. Et puis je suis beaucoup plus présent, puisque comme je ne suis plus invité au meeting, j'ai du temps pour m'occuper des gens dans mon labo. C'est pas mal. Une des choses qu'on a vraiment appliquées, puisque vous vous doutez bien que même à l'ETH, si j'ai plus d'erreurs possibles pour voiler, une autre encore, et tu dégages. Et ça, je veux aussi que vous compreniez qu'on est sous une pression importante, puisqu'on en a assez fait comme ça, et donc on doit maintenant mettre en place des mesures absolument drastiques dans le laboratoire qui nous permettent d'éviter toute erreur. On les a faites, et en particulier, il y a une mesure très simple. Tout à l'heure, on parlait des mesures, comment, qu'est-ce qu'il faut inventer, s'il faut trouver des gens à l'extérieur, tout ça. Non, les pairs eux-mêmes, les labos eux-mêmes, le font. Par exemple, depuis qu'on a recommencé à publier, on publie très correctement en demeurant, on envoie systématiquement maintenant, pour se garder de toute faute, de toute allégation, de quelque nature que ce soit, on a un méta-fichier, un énorme fichier de plusieurs gigas, et on envoie ça ce sont toutes nos données brutes. Tous les gènes et données qu'on a produites au laboratoire sont envoyés à l'état brut aux éditeurs du journal. Ce qui veut dire que là, on en arrive à... Alors en plus, on fait attention, on a tout un système de contrôle avant, où on se met tous les auteurs, on prend chaque figure, on est passé au cahier de labo électronique. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin d'aller scanner nos labos. Les données sont directement brutes de décoffrage devant nous. Et on regarde évidemment ce qu'on a mis dans la figure par rapport à ce qu'on a de brut qui vient de sortir de la machine, etc. Et on envoie ce brut aux éditeurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on va être à zéro erreur. Mais si on a fait une erreur, l'éditeur, en amont de la publication, l'éditeur, le reviewer, va le voir. Parce que je peux vous dire, quand on les envoie, ils sont regardés, ces fichiers. Et pour une bonne raison, vous savez bien pourquoi. Et jusqu'à présent, il s'est produit deux fois, on a fait une vraie erreur honnête, on a tout de suite corrigé, et ça s'est bien passé comme ça. Donc je pense que c'est une chose toute simple à faire. C'est très peu fait, parce que les gens peut-être ont un peu peur de montrer leurs résultats. Surtout quand on les montre, on n'en montre pas qu'un. On doit montrer le triplicat qui a servi à valider la manip. Donc, nous, ça nous met aussi une barre, hein, pas qu'on ne faisait pas avant, mais les commissions s'en sont aperçues qu'on faisait réellement. On ne faisait pas les trucs sur un coin d'une table pour comme ça, pour inventer des machins. Mais ça nous met vraiment à un niveau très, très élevé, que moi, je considère doit être appliqué pour mon laboratoire, étant donné ce qui s'est passé. Mais les gens ne le font pas assez, mais c'est en soi, c'est déjà un garde-fou extraordinaire pour empêcher, en fait, l'émergence d'erreurs. Donc j'ai pris d'autres mesures que je ne détaillerai pas ici, mais que je mettrai probablement, on m'a encouragé à expliquer comment j'ai réglé un certain nombre de choses. Je le ferai quand j'aurai le temps, puisque j'ai passé 3 années à essentiellement régler, en fait, me taper toute la merde quoi, pour résoudre tous ces problèmes. Donc, ça c'était ce que je voulais vous dire en espèce de prélude. Maintenant, ce que je vais dire ici, ça n'a pas vocation à aller commencer à déglinguer les systèmes et les machins. Parce que je voudrais vraiment qu'on considère, c'est que j'ai eu une expérience extrême. J'y ai vu des choses, j'ai été témoin de choses, j'ai vécu des choses, mon groupe en a vécu. Et si ça doit servir à quelque chose, c'est faire en sorte qu'on progresse là-dessus, qu'on se serve de ce qu'on a vécu, comme des exemples vraiment concrets de choses qui, selon moi, ne devraient plus se reproduire dans les institutions comme le CNRS, comme le PH, parce qu'il y a eu des fautes aussi faites là-bas, en tout cas des fautes à nos yeux, et comment on a pu progresser. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer par des exemples concrets, des anomalies, mais absolument gigantesques, vous montrer ben, voilà ce qu'on a vécu, ce qu'on aimerait, c'est sur la base de cette expérience que les gens réfléchissent sur ce qui a été fait et qu'on avance. Et ça, surtout, ça ne se reproduise pas pour d'autres gens qui seraient amenés à être dans des situations comme les miennes, et il y en a forcément. Donc c'est un peu le but de ce que, enfin, ce but que je me suis fixé ici. Ça va être dur, il y a des choses qui vont être dures à entendre, mais d'un autre côté, autant dire les choses et puis en discuter, évidemment, je suis prêt à la discussion. Encore une fois, je ne viens pas là pour vous donner des leçons, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, en tout cas une partie de ce qui s'est passé, parce que je ne peux pas être exhaustif, il faudrait écrire toute une chronique pour tout ça. Alors, je vais d'abord parler de nos devoirs. Une fois qu'on est mis en allégation, quand on est mis en cause par des allégations, notamment anonymes sur un site comme Papier, ce que moi j'estime, au regard de ce que j'ai vécu et mes réactions, doivent maintenant être les devoirs, que si ça se reproduisait, espérons que ça ne se reproduise plus jamais. Le premier devoir, c'est le devoir d'informer. Donc le devoir d'informer, c'est les allégations, quelle que soit leur nature, pour moi, elles doivent être reliées à l'institution et aux éditeurs, immédiatement, si évidemment elles font sens. Lorsqu'on met un papier sur papier parce qu'il manque un point à une phrase, on ne va pas aller terroriser le TH en leur disant hey, « Eh les gars, on a oublié de mettre un point ». Mais c'est comme ça, c'est aussi ce qu'on trouve sur papier. Simplement pour faire de l'inflation, pour que vous voyez, il y a encore un papier en plus, je l'ai signalé à papier, il y est toujours, ils n'ont rien fait du tout. Donc là, le devoir d'informer. Le chef de labo n'a cependant pas, selon moi, vocation à informer la presse ou à répondre aux attaques anonymes de papier sur le site papier, des gens qui utilisent papier. Pour moi, ça demeure une entité non définie, c'est dans un espace de dialogue donné. Pour moi, papier est un lanceur d'alerte, je n'en mets pas en cause sa validité, puisque si papier n'avait pas existé, je n'aurais pas pu corriger ma science correctement, donc je ne peux pas crier sur papier comme beaucoup de gens le font. Au final, que ce soit anonyme, pas anonyme, les fautes, elles étaient là, je les ai vues. Il y en avait qui n'existaient pas, il y en avait qui étaient des vraies fautes, des vrais trucs réels. Et heureusement, papier était là, parce qu'il n'y a rien d'autre. Malheureusement, à part ça pour le moment, on a dû se plier à ce que nous disait papier, puisque c'était l'évidence même. Donc on a dû agir. Et je peux vous dire que j'ai agi. Je ne suis pas resté là à nier. Première fois, oui, les premières semaines, c'est clair, on s'en prend plein la figure. Alors, on est dans ce que j'ai dit là récemment, la dissonance cognitive, c'est très très fort. On n'admet pas dans sa tête qu'on puisse ou qu'une personne du labo puisse avoir produit des anomalies pareilles. On n'arrive même pas à faire la connexion. On ne peut pas imaginer qu'on est capable de ça. Ça, c'est la dissonance cognitive. C'est très très dur. C'est une étape très dure à passer, à laquelle doit supplanter immédiatement, hein, parce qu'il faut aller très vite et réagir très vite dans ces cas-là. On ne peut pas rester en dissonance cognitive, parce que sinon, on arrive vers le déni. On arrive à être soi-même convaincu de sa dissonance, en disant « mais non, c'est tellement impossible que je ne l'ai pas fait, ou ils ne l'ont pas fait, on passe à autre chose ». Restez dans le déni, vous savez, vous avez des exemples de ce que ça cause, et en fait, c'est bien pire que tout de nier l'évidence, on ne peut pas l'accepter. Mais l'accepter, c'est aussi l'accepter en se retroussant les manches, et puis on va voir les éditeurs, on dit voilà, toc toc, on a fait toutes ces conneries, bon, comment est-ce qu'on va résoudre toutes ces histoires? Mais je dirais, c'est bien beau d'avoir un devoir d'informer, mais il faudrait d'abord être en capacité d'informer. La capacité d'informer, c'est que je ne vais pas aller voir un éditeur en lui disant « Je crois que Papier a raison, mais je ne suis pas sûr. » L'éditeur il va me dire « Olivier, tu reviendras me voir avec les cahiers de labo, les données originales qu'on discute. » D'où, je vais vous donner un exemple typique de ce qui s'est produit avec le CNRS dans la deuxième phase de l'investigation, le fameux accès au cahier de laboratoire de mon collaborateur qui contient tous ces trucs-là. Je les ai demandés en août 2016, je les ai vus physiquement pour la première fois en décembre 2018. Donc, c'est passé 2 ans, on ne m'a jamais donné accès à ces cahiers en dépit de toutes les demandes que j'ai faites. Pas une seule fois j'ai pu les voir, pour des raisons totalement absurdes qui m'ont été mises en avant, comme soi-disant que d'observer ce qu'il y a dans les cahiers, ça allait remettre en cause la bonne route de l'investigation en cours. Je suis désolé, mais en 2015, l'investigation de l'ETH, elle a été menée en même temps que l'opération de correction, et j'avais totalement accès au cahier de laboratoire de mon collaborateur. Donc, comme par magie, d'un seul coup, on a décidé que c'était presque même dangereux que vous veniez y avoir le cahier de laboratoire de son collaborateur. Ça a mis 2 ans. Ça veut dire que depuis 2 ans, on ne sait pas ce qui se passe, et depuis 2 ans, il y a la communauté scientifique qui n'est pas avertie qu'il y a des problèmes avec un certain nombre de papiers, que certains papiers vont être rétractés, etc., etc. Ben, je ne comprends pas. Moi, je demande à le faire. Mais quand on ne me donne pas les moyens de le faire, qu'est-ce que je fais? J'aille au CNRS avec un tracteur pour démolir les coffres-forts du service juridique du CNRS, puisque c'est là qu'ils étaient conservés, les cahiers. Je les ai vus qu'il y a quelques semaines, les cahiers. Et j'ai vu des choses très belles. J'aurais bien aimé les voir avant. Ça ne remettait pas en cause le fait qu'on investiguait. En quoi le fait de les voir et de faire les choses empêche d'investiguer sur les responsabilités personnelles, etc. Je ne comprends pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça s'est opéré dans la première investigation. Donc rien n'empêche de voir l'évidence en même temps que d'investiguer. Quand on les a vus, ces cahiers, on était sous supervision d'un tiers qui regardait si on ne les manipulait pas, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça, je n'ai pas besoin de les avoir chez moi. Il suffit d'aller et de consulter. La consultation a eu lieu 2 ans, c'est passé 2 ans, littéralement. C'est incompréhensible. Bien. Et encore au-dessus, donc là vous allez être très surpris de ce que je vais vous dire. Donc, d'une part, il faut que l'institution vous donne les moyens d'informer, ce qu'on m'a d'une certaine façon refusé passivement en ne répondant jamais à mes emails, en faisant chaque demande, les réponses venaient 2 à 3 mois plus tard. Mais il y a pire, il y a le besoin d'informer auprès des éditeurs. On a rencontré des éditeurs qui ne voulaient pas voir les erreurs. Donc ça, il faut vraiment que vous soyez attentifs à ça, parce que ce n'est pas des cas qu'elle vous pensez nécessairement. Là aussi, ça demande une très grosse réflexion. Il y a en particulier plusieurs papiers qu'on a produits dans un grand journal de génétique. Voilà. Et on a eu des problèmes qui étaient visibles. Je suis allé voir l'éditeur en lui disant, voilà, les données brutes de mon étudiant, les voici. Il y a des erreurs, il y a des problèmes dans ces trucs. On va les corriger avec toi, évidemment, l'éditeur. Olivier, non, il n'y a pas d'erreur. Alors, je dis, mais écoute, regarde, avec l'œil, tu n'as pas besoin de. Non, non, on a fait tourner tous les algorithmes de détection du journal, il n'y a pas d'erreur. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Quand vous avez la preuve, l'évidence, et vous voulez corriger, vous avez un éditeur qui ne veut pas. Ça paraît fou, mais c'est exactement ce qu'on a vécu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, soit, première réaction, c'est donc Voynet, il dit, ah, ben, super, pas vu, pas pris, j'ai encore un en moins à m'occuper, comme ça. Même si l'éditeur il dit qu'il n'y a rien, alors forcément c'est sûr qu'il n'y a rien. Sauf que je le vois qu'il y a quelque chose. Donc ce qu'on a dû faire, c'est inventer avec le PH, qui a un domaine de publication, enfin, un domaine de publication à lui, on a fait en fait une correction de cet article et la correction de la thèse de mon étudiant, puisque les fautes étaient aussi présentes dans sa thèse. Et donc on a en fait une correction qui est accessible à tout le monde sur le domaine de publication de l'ETH. Avec un DOI, donc il peut être aussi même Comme un accéléré, préprint alors. un genre de préprint. Et alors personne ne le sait, alors tout le monde dit qu'on n'a jamais corrigé ce papier, je ne peux pas, je vais pas aller m'exprimer contre des gens qui disent n'importe quoi de toute façon, mais en fait on l'a fait, on l'a fait à notre méthode, et il faut vraiment dire que c'est quand même un truc de bric-à-brac, c'est pas génial de devoir faire ça. D'autre part, on a encore la chance d'être dans l'ETH, qui a un domaine de publication à elle. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais dans une petite université qui ne possède pas cette capacité de publier ses propres documents? Bioarchive. Là, on peut le faire. Maintenant, on peut le faire. À l'époque, tu sais, on parle il y a 3 ans, c'était loin d'être évident. Et je vais vous dire jusqu'où s'est allée cette histoire. Cet étudiant, on a corrigé son papier. Il vient d'être recruté d'un poste sur 5 ans dans un des très très grands instituts de recherche de sciences végétales. En Europe, donc le Gregor Mendel Institute. Quand il a eu son job, le premier truc qu'a fait le service, enfin le comité de recrutement du job, mais disons Arturo, ce papier-là sur Klopp-Pierre, tu l'as pas corrigé. Il s'appelle Arturo. J'ai dit son nom, je ne devais pas en parler. Non, il est camouflé, il Ah oui, c'est s'appelle vrai, il ne sortira pas, il s'appelle Alphonse. Mais donc, oui, mais alors voilà la situation dans laquelle il aurait été. C'est-à-dire, si on avait. Il a dit, mais regarde, ils m'ont écrit à moi, j'ai dit, voilà ce que nous a dit l'éditeur, les corrections, elles sont là, vous y accédez par ce truc public. Parfait. Ben, si on n'avait pas fait ça, Arturo, son travail, il l'aurait pas eu. Et donc, en fait, moi, à l'époque, je me serais frotté les mains en disant, super, pas vu, pas pris, mais en faisant ça, en étant faible, en quelque sorte. Hein. J'aurais condamné sans le savoir. Et Arturo n'était absolument pas d'accord pour qu'on fasse ça non plus. Croyez-moi, il voulait que ce soit corrigé. En ayant eu cette attitude, j'aurais condamné en fait la carrière d'un jeune qui va au demeurant extraordinaire. Donc, voilà un exemple concret, vous voyez, d'une difficulté. Il faut qu'on arrive à aller au-delà de ça. On ne va pas s'amuser à faire des corrections, même pas dans les journaux, ce n'est pas possible. Donc, il faut que même les journaux, eux, ils aient une incentive, quelque chose, on leur dit « Non, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit. Tu as signé des trucs, ils disent que tu dois corriger. Bah, » en ce moment, non, ils ont beaucoup de pouvoir, non, le pouvoir de nier la volonté des gens de corriger. C'est le produit pour nous, dans un gros journal. Alors, le deuxième devoir absolu. Excuse-moi, je confirme la difficulté dans le job que j'avais avant, la direction de l'INRA. J'ai dû aider à ce que des collègues à ce qu'un article dont ils étaient co-auteurs soit rétracté parce qu'ils avaient observé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales dedans. Et une grosse difficulté, de fait, ça a été avec l'évidence, on va vers les éditeurs de journaux avec l'évidence et ils mettent en doute l'évidence. Ils ne veulent pas rétracter des articles, ça joue sur leur propre réputation de journaliste. Oui, oui, évidemment, la correction et la rétraction, c'est la némésis de l'éditeur, c'est évidemment. C'est pour ça aussi que c'est bien beau de me dire aussi tout le temps, dans la deuxième phase d'investigation, parce qu'ils m'ont bien savonné la planche au CNRS, ils ont osé me dire que déjà j'avais pas fait mon travail auprès des éditeurs, ce qui était quand même assez rigolo. Et donc la deuxième chose, c'était que j'avais des responsabilités d'auteur correspondant dans le cadre des rétractions et des corrections. Alors, déjà, j'ai fait tout à fait mon rôle d'auteur correspondant ou d'auteur tout court. Et deuxièmement, je serais curieux de savoir, si vous pouvez m'en trouver une, je serais vraiment content d'avoir une explication d'un journal, mais quel qu'il soit, de biologie, qui vous dit ce que vous devez faire en tant qu'auteur, quels sont vos droits et vos devoirs dans les conditions de la rétraction et de la correction d'un papier. J'aimerais bien que vous m'en montriez une fois. Ça n'existe pas. Donc c'est facile de me reprocher des choses pour lesquelles il n'y a pas de règles, on va y revenir aussi. Hein, parce que... c'est le droit d'auteur. Oui. Quand on signe. C'est ça. Donc, quand moi j'ai signé mes corrections, j'ai fait ce que je pensais être juste, on m'a reproché de ne pas avoir fait ça correctement, sur la base de textes ou de règles inexistantes. Alors, quand les éditeurs veulent corriger... la première chose qu'on va voir le plus souvent, c'est « Mais de toute façon, mon papier, il est bon, puisque les autres, machin, bidule, ils ont reproduit. Donc, j'ai pas besoin de... » Mais c'est pas ce que veut l'éditeur. Ça, ceci, c'est une méprise totale que j'ai apprise à mes dépens, évidemment. Mais non, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de faire tout ça. Regardez, ça a été reproduit par Pierre, Paul et Jean. Mais l'éditeur, il s'en fiche de ça. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est la faute. Qu'est-ce que c'est que cette faute? Pourquoi vous l'avez faite? Qu'est-ce que c'est comme type de faute? Je veux déterminer ça, je m'en fiche que les auteurs produisent. Moi, ce que je veux juger, c'est ta faute, à toi. Dis-moi ce que tu as fait. Je peux vous dire que pour dire, c'est très très dur. Humainement, pour accepter qu'on a fait des bêtises et le dire, c'est très dur. Mais c'est ça qu'ils veulent. Et comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a ou n'a pas fait de bêtises? La seule façon de faire, c'est d'amener nos données originales. C'est la seule façon. On peut toujours geindre et dire, mais oui, les autres ont refait. Non, montre-moi ce que tu as fait. Et pour me montrer ton erreur, il faut que je vois avant, après l'erreur. Donc, il faut que tu amènes tes données expérimentales originales. Donc, le devoir de préserver les données brutes de son laboratoire est absolu, en particulier lorsqu'on est dans des situations telles que la mienne. Heureusement, elles ont été préservées dans leur intégralité, ce qui est loin d'être le cas, vous le savez, dans d'autres situations, d'autres personnes pour lesquelles on va dire que pour le moins, le système a été pour le moins bienveillant sur la disparition ou la perte de données expérimentales. Je vous rappelle au demeurant que ces données doivent être préservées au CNRS pour une durée de 25 ans. 25 ans. Il y a un texte qui réglemente ça. On nous a parlé de données qui doivent rester pendant 10 ans, je ne sais trop quoi. Au CNRS, vous savez très bien la personne à qui je fais allusion, elle est employée au CNRS. Au CNRS, son devoir est de maintenir l'intégrité de ses documents et la disponibilité de ses documents pendant une durée de 25 ans. J'insiste, 25 ans. Et quand on est au CNRS, on est redevable au CNRS, et pas à l'université où on est professeur titulaire. On est au CNRS, comme moi. On m'a puni au CNRS, et pas je ne sais quelle autre université qui me punit, en France en tout cas. Donc apporter les données originales, je vous pose maintenant un problème à part la polémique. Le problème qui peut se poser, on l'a eu, qu'est-ce qu'on fait lorsque la durée de rétention de données originales qui sont contribués par trois différentes universités ou trois groupes, y compris des groupes étrangers, que ces règles de rétention des données ne correspondent pas. Comment vous gérez ça? Comment vous parvenez à concilier auprès d'un éditeur le fait que, ben non, je ne peux pas te donner cette donnée-là du papier parce que dans son université, la rétention, c'est... Alors évidemment, le gars ne veut pas les donner en général, pas parce qu'il y a une date pour la rétention, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on voit la connerie qu'il a faite. Voilà. Mais le problème, c'est que je n'ai rien à dire. Moi, je ne peux pas aller au-delà de la loi, la règle de son université. Bon, voilà un autre problème auquel on peut très facilement être confronté qui demande réflexion. C'est très simple. Ce que je vous dis là, c'est des choses de base qu'on rencontre lorsqu'on vit les trucs que j'ai vécu. Et encore une fois, je ne fais pas du donneur de leçons. Je vous dis exactement ce qui s'est produit et les difficultés qu'on a rencontrées. La troisième chose, c'est le devoir d'exhaustivité. La situation qu'on a connue, nous, elle s'est apparentée à une avalanche. Donc, il était très, très difficile au départ, en plus, de gérer tout en même temps. Honnêtement, on avait des nuits entières de panique totale à se faire... vilipendés sur les réseaux sociaux et sur papier. Comme j'ai dit, quand même, papier a identifié un certain... Les gens qui ont utilisé papier ont identifié un certain nombre de choses qui étaient tout à fait vraies. Donc, je ne vais pas me plaindre de l'enfer qu'on a vécu à l'époque. Oui, c'était un enfer, mais on a fait des conneries. Des gens diront, tu l'as bien mérité, voilà, et ferme ta bouche. Voilà, et fais ton travail. J'accepte aussi ça. Donc c'est poser la question, on en avait tellement, et moi-même j'ai dit au groupe, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre aux allégations, mais si ça se trouve c'est pas suffisant, ou bien il faut que je reprenne tout ce qu'il y a dans les papiers, au moins les papiers où il y a des allégations, qu'on ne se suffise pas des allégations, mais qu'on prenne toutes les données de toutes les figures de chaque papier sujet à une allégation, et de ne pas répondre seulement au problème qui était posté sur papier. J'ai pris la deuxième décision, c'est-à-dire de tout faire pour deux raisons. Je vais vous dire aussi comment, par exemple, les côtés humains qui peuvent se passer dans un laboratoire. La première raison qui m'a poussé, c'est deux étudiants. Lorsque j'étais complètement débordé, ils ont vu que j'étais dans la panique totale. Et ces deux étudiants, ils ne sont pas là, mais ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce que je dis. Ils n'ont pas été réfractaires. Eux, ils m'ont dit, Olivier, ça ne sert à rien qu'on réponde aux allégations. C'est nos papiers en entier qu'il faut qu'on regarde. S'il reste des fautes, profitons-en. On nous attaque. Nous, on a confiance dans notre science. On sait qu'on a fait des bons trucs. On connaît nos résultats. On n'a pas peur. Si on a fait d'autres fautes, qu'on les dise en même temps que celles qui sont alléguées. Et on l'a fait. Mais je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait parce que j'avais la chance d'avoir deux étudiants dans l'état d'esprit dans lequel j'étais qui m'ont ramené à la raison, qui m'ont dit non, fais ça, Olivier. C'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Je ne l'ai pas fait tout seul. Seulement une fois qu'ils me l'ont dit, je m'en suis souvenu, parce que ça a été, ces deux-là m'ont donné ma ligne directrice pour tout le reste de cette affaire, et je ne me jette pas des lauriers à moi, c'est à eux qu'il faut jeter des lauriers. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des étudiants, qui auraient ce culot d'agir de cette façon, surtout dans les circonstances dont je parle là? C'était terrible ce qui se passait. Ils l'ont fait, et ils m'ont dit, Olivier, c'est comme ça que tu dois faire, et pas autrement, et on te fait confiance, et je l'ai fait. La deuxième raison, qui est beaucoup plus pragmatique, c'est qu'il existe un jeu sur papier, par lequel des gens qui vont attaquer un papier, pour des raisons réelles ou non, vont volontairement ne pas poser toutes leurs allégations sur le papier. Donc là, c'est un jeu qui s'apparente à une sorte de chasse, par lequel on va pousser à bout un chercheur à produire une correction qui n'est pas complète, parce que basée uniquement sur les allégations qu'on lui a apportées. Mais notre jeu, c'est que le jour même de la correction, de la sortie de la correction, on lui rebalance tout ce qu'on avait en réserve sur son papier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On le déstabilise auprès de l'éditeur, auprès de la communauté, parce que, en montrant qu'il n'a pas fait son travail correctement et qu'en fait, son papier, il était encore plus pourri que ce qu'il était au début. Donc ça nous est arrivé deux fois. Je peux vous dire qu'une fois que ça... Sachant aussi que vous pouvez corriger un papier le nombre de fois qu'il est nécessaire de corriger. Un éditeur m'a dit, Olivier, si tu viens le corriger 5 fois, il sera corrigé 5 fois, en 5 phases. Évidemment, on ne va pas corriger 100 fois, puisqu'à ce stade-là, on rétracte. Mais voilà une raison très pragmatique qui nous a amené à avoir cette attitude-là. Et je peux vous garantir, je le sais, qu'à l'heure actuelle, les 20 corrections dont tout le monde se moque de ce qu'on a fait, elles n'ont jamais été remises en question, puisqu'elles ont été faites dans leur intégralité. On a tout épluché. Et je trouve que, sans jeter des lauriers, c'est tout à notre honneur de l'avoir fait comme ça. Mais souvenez-vous, que la décision que j'ai prise fondamentalement a été guidée par deux étudiants de l'époque, ils n'étaient plus étudiants, par deux étudiants qui m'ont remis en raison. Ça, je pense que c'est aussi un côté humain de cette affaire qui mérite d'être souligné. On n'en parle jamais de comment ça se passe dans les labos pour traiter ces problèmes. Et je peux vous dire qu'autrement, à part ces deux étudiants, j'ai tout vu dans mon labo. Les gens, on leur mettait les trucs devant le nez. Ils disaient non, j'ai pas fait. Donc, il y a toute une dimension humaine, vous ne vous en rendez pas compte, vous ne l'avez pas vécu, qui est déjà extraordinaire, hein, de vivre ce qu'on peut vivre dans ces moments intenses comme ça. Et puis, bah, deux étudiants comme ça qui viennent vraiment vous dire comment faire. C'est des aspects qui sont assez jolis de cette horreur. Donc, on apprend s'il y a des choses qui peuvent être pas trop mal qui se passent au cours de tout ça. On reparlera de l'exhaustivité. L'exhaustivité, évidemment, pour être exhaustif, il faut avoir à disposition ces données expérimentales. Sinon, il n'y a pas d'exhaustivité. L'autre chose que je voulais dire, oui, évidemment, lorsqu'une personne vous apporte des données qu'il dit originales, on en est rendu à ne pouvoir que croire que ces données sont originales puisqu'il vous donne des scans de ses propres cahiers de laboratoire. D'accord. Je ne peux pas faire plus que croire une personne qui me dit « Tiens, c'est mon cahier, c'est un scan, voilà ce que j'ai fait. Ben, » il s'est avéré, par le biais de la réinvestigation de 2017-2018, qu'une personne de mon laboratoire s'est amusée systématiquement à nous donner des cahiers de laboratoire falsifiés, et pour l'un d'entre eux, pour une occurrence, une fabrication totale d'une page de cahier de laboratoire, on vient de le vérifier auprès du service juridique du CNRS. Évidemment, je vais me retourner vers le référent intégrité du CNRS parce que c'est totalement inacceptable. Et pour nous, cette personne, elle doit être virée du CNRS. On en commence vraiment, vraiment, vraiment à en avoir assez de tout ça. Même les gens du service juridique n'en croyaient pas leurs yeux de ce qu'on leur a montré. C'est pas possible, ça. Il faut que ça s'arrête, cette histoire. Je vous parle à vous, monsieur Mossé. Vous serez saisi, vous, à côté. Pas vous. Vous, je ne vous connais pas. Tout va bien, Manu. Tout va bien. Oui, parce qu'on a le référent du CNRS dans la salle. Le dernier devoir, je m'auto-appliquerai maintenant. Forcément, c'est facile pour moi de donner des devoirs après coup. Mais j'ai vécu tout ça. Donc, je peux vous le dire maintenant, ce seraient mes devoirs, tels que je les attendrai tout le monde, comme de moi. Le devoir d'intransigeance, qui est peut-être le plus dur dans cette histoire, puisque les corrections, les rétractions, c'est avant tout, j'en ai parlé, c'est un traumatisme humain. Les gens sont littéralement lessivés par ça, et c'est un traumatisme pour tout le monde, les auteurs, ceux qui n'ont rien fait dans les papiers, les auteurs qui ont fait les fautes, les éditeurs qui n'aiment pas les corrections. Tout le monde est traumatisé par ces trucs-là, surtout lorsque ça prend la quantité ou le nombre d'articles, le nombre de figures concernées mon labo. Alors, les traumatismes sont très durs à gérer, et évidemment, c'est dans ces moments-là où il y a le plus de traumatismes que personne n'est là. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à discuter avec un éditeur et lui dire « Oui, mais on peut pas corriger parce qu'il y a Pierre qui dit ça et Paul qui dit ça et qui veut pas », l'éditeur, il dit « Tu te démerdes, sinon dans 15 jours, je rétracte ton papier. » Tu leur dis qu'ils se démerdent. Donc, c'est à nous, le chef, d'essayer de jouer, enfin, pas de jouer, c'est pas rigolo, mais de faire en sorte que les gens s'entendent. Et la décision que j'ai prise, c'est d'être absolument intransigeant sur le fait qu'il faut préserver les gens qui n'ont pas fait de faute et qui sont souvent mêlés à ces rétractions. C'est vraiment le traumatisme pour eux, ça met en jeu des carrières. Et la seule façon de le faire, c'est de dire qui a fait quoi. Voilà. Donc vous verrez dans tous nos textes de rétractation, d'une part je le fais parce que c'est la décision que j'ai prise et qu'on applique toujours, par respect pour ceux qui n'ont rien fait, mais aussi ceux qui ont fait, et deuxièmement, par respect pour la communauté scientifique, puisque vous remarquerez aussi que quand on produit nos corrections ou rétractions, on produit tous les documents originaux et on décrit spécifiquement les fautes qui ont été faites, y compris les fabrications, etc. Et on n'emploie pas, ou on essaye, de pas employer des termes édulcorés du genre « c'est une erreur ». Non, c'est une fabrication. C'est pas, ça s'est pas fait en sifflant dans l'air. C'est toi qui l'as fait, tu savais très bien ce que tu faisais quand tu faisais ça. Vous pourrez noter, on a exécuté toutes nos corrections de cette façon, et pour moi, c'est d'être intransigeant, parce que je peux vous dire que quand une personne est mise en avant, y compris moi, ça ne fait pas plaisir, et j'ai des personnes qui tombaient en larmes, qui disaient « je vais me foutre en l'air, je vais faire ci, je vais faire ça ». C'est ça la vie. qu'on a lorsqu'on est en face de ces choses-là. Et il faut en parler. Et qui vient nous aider dans ces cas-là? On ne va pas aller taper à la porte de l'ETH ou du CNRS. Hein, monsieur, il y a Pierre qui ne veut pas. Mais il y a un manque. Il faut faire quelque chose. Il faut nous accompagner pour faire tout ça. Et puis ceux qui ont fait des fautes, ce n'est pas forcément non plus des gens qui sont piqueux prendre. Il y a des raisons pour lesquelles ils les ont faites. Il y en a parfois. Parfois, c'est irrationnel, mais il y a souvent des raisons. Et il y a souvent des causes de ces fautes. Elles sont intéressantes à voir aussi. On pourra en parler si vous voulez. Je n'ai pas le temps là, mais... Le dernier devoir, c'est que quand il y a investigation, on ne parle pas. Et je peux vous dire que quand j'ai été investigué 3 fois par l'UEA, là où j'ai fait ma thèse, par le CNRS d'une façon particulière en 2015, par l'ETH en 2015, et ensuite, je ne devais pas être investigué, mais le CNRS a pris un bon plaisir à me réinvestiguer en 2017-2018, en dépit des accords qu'ils avaient eus avec l'ETH. Ils l'ont fait quand même parce que ça leur faisait plaisir de m'emmerder. Donc, quand tout ça se passe, la règle absolue, c'est qu'on se tait. Et je peux vous dire que j'avais des moments où j'avais vraiment envie de parler quand je voyais ce qu'on disait sur nous. Vous savez à qui je fais allusion ici. On ne va pas lui faire de la publicité, mais il y en a plusieurs comme ça qui se sont quand même bien amusés sur ce qui s'est passé sur nous. Ils ont permis de dire n'importe quoi, tout ce qu'on peut dire sur Voynet. Et ce n'est pas l'envie qui manque d'aller dire quelque chose, mais ce serait de leur faire beaucoup trop d'honneur que d'aller discuter avec ces gens-là de toute façon. Donc la règle, de toute façon, pour la sérénité de l'investigation, c'est le silence. Absolu. Je vous ferai remarquer, si vous admettez que c'est une règle qui est solide, qui est sensée, qu'une personne qui était la coordinatrice de ma propre investigation de 2017, Madame Jésus, d'une part, elle s'est permis de coordonner ma propre investigation en étant elle-même investiguée au même moment. Vous pensez qu'elle a été le dire aux gens de la commission d'investigation ? Non, bien sûr, elle n'a rien dit du tout. Mais vous êtes au courant, et ça a été dit par Le Monde, je l'ai vérifié moi-même personnellement, que cette dame, elle était sous investigation à partir du mois d'octobre, une investigation dont on nous dit qu'elle s'est terminée en février 2018. Au mois de novembre, elle était devant les directeurs d'unité à leur dire qu'elle était blanchie. Non, ça peut pas. Il faut se taire. À la limite, même si elle a fait ses magouilles de son côté, on s'en fout. Mais au moins, on ne dit pas ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire tout de suite? On est en train de décrédibiliser le travail, même d'une commission qui n'a probablement jamais existé ou qui a été de complaisance. On se tait. Mais ce cas-là, par exemple, il est extraordinaire pour moi. Il est emblématique de ce que j'ai vécu. On peut le vérifier. Hein. Tout ça a été dit par Le Monde, je l'ai vérifié par moi-même. Et puis vous savez aussi qu'il y avait le malin qui s'est occupé de sa commission, Francis-André Vollmann, qui a même osé dire au Monde, avant même qu'ils aient investigué, qu'il y avait... Il n'y avait rien à regarder, il n'y avait rien à voir, tout était bien, évidemment. Et vous savez aussi ce qui a été fait sur le travail de Madame Jésus. Il y a eu une contre-expertise qui a été faite sur son travail, dont on a décrié le caractère anonyme, alors que les membres de sa commission sont tous restés dans l'anonymat de toute façon. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? On ne va pas revenir sur tout ça. Ce que je dis, moi, c'est qu'elle aurait dû se taire, cette dame, parce qu'il y aurait eu des choses qui n'auraient pas été reprochées au final. En parlant de ça, vous remarquerez aussi une chose intéressante. Madame Jésus, le CNRS, a trouvé utile de déposer son rapport de la fameuse commission sur son site web et d'en faire même un communiqué de presse. C'est intéressant parce que en 2015, lorsque des gens ont demandé, après ma punition de 2 ans, à voir le fameux rapport de la commission, dont vous savez la teneur maintenant, après avoir lu l'article du Monde hier, qu'est-ce qu'on a répondu au CNRS? On a dit, oh là là, mais non, il y a une loi qui existe qui ne nous permet pas de montrer les rapports de commission. Ouais. Donc c'est le chargé de communication du CNRS, il s'appelle Julien Guillaume, au demeurant pas un mauvais bougre, hein. Il opérait évidemment sur commande. On lui a fait dire qu'il existait une loi qui faisait qu'on n'avait pas le droit de montrer les rapports d'investigation. Vous savez très bien que cette loi n'existe pas, puisque ce serait quand même une bien curieuse loi qui évoluerait à un tel point en 2 ans qu'on ne peut pas montrer les rapports de Voynet, on peut montrer ceux de Madame Jésus, qui évidemment sont complaisants. C'est extraordinaire. Ça, il faut le dire, je le dis maintenant, c'est l'exacte vérité, le CNRS doit en prendre conséquence, et je ne dis pas, M. Mosry et M. Petit, ces gens-là n'étaient pas en poste CNRS à cette époque, ils n'ont strictement rien à leur reprocher. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les lois qui changent en fonction de ce qu'on veut montrer, vous savez très bien pourquoi ils ont pondu cette loi. Ils ne pouvaient pas montrer un rapport qui n'existait pas. Je l'ai fait demander par mes avocats, ce rapport, à Monsieur Courral, le directeur des DRH du CNRS. 2 ans après, puisque j'ai cru qu'il existait ce rapport moi-même. C'est pour ça que je ne me suis pas battu en 2015, entre autres raisons. Quand mes avocats ont demandé à M. Goural de voir ce rapport, évidemment pas le pseudo-rapport, la pré-enquête qui a duré une semaine, la rigolade dont parle David Larousserie hier, le vrai, celui qui était annoncé en grande pompe en avril par les services de M. Fuchs, les experts de haut niveau. On a demandé, nous, à voir le rapport de l'expertise de ces experts de haut niveau. Et la réponse de M. Courral, c'était: Maître machin, je suis bien embarrassé de ne pouvoir vous donner un document qui n'existe pas. C'est un peu extraordinaire quand même. Je vous l'ai montré, ces documents. De toute façon, vous avez lu maintenant l'article du Monde. J'espère que vous croyez à ce qu'ils disent. C'est lui aussi, hein. Il m'a pas. Larousserie et les autres. Non, mais Larousserie et les autres n'ont pas été les plus tendres avec moi en 2015. Hein. Vous êtes quand même au courant. Declan Butler, le gars qui a écrit l'article sur Nature, qui a commencé en fait toute cette histoire de reprendre toutes ces choses, il n'a pas été tendre du tout avec moi. J'aurais bien aimé leur parler à ces gens. Même eux sont venus m'ont contacté. Olivier Bonnet, pourquoi ne pouvez-vous pas vous exprimer? Parce que statutairement, si je le fais, je suis viré de l'ETF. Voilà. C'est pas parce que je ne voulais pas parler. Je pense qu'ils le savent maintenant. Sauf qu'à l'époque, évidemment, qu'est-ce qu'ils avaient pour travailler, pour faire leurs articles, etc. Probablement à la va-vite. Ils auraient dû au moins attendre les résultats des investigations pour les faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'avaient que des déclarations farfelues du genre de ce que je viens d'expliquer là, qui sont basées sur du vent. Alors qu'on appelle une commission, ce qui s'est produit en février 2015, on peut l'appeler tout ce qu'on veut, un comité, une commission, une partie de cartes entre amis, si vous voulez. On peut tout appeler comme ça, mais d'investigation. Cette commission n'en a jamais été une d'investigation, une commission d'investigation. Je vais vous citer les conclusions du rapport qui fait 4 pages. Les gens rigolent de ce rapport qui fait 4 pages. En réalité, il en fait 2 puisqu'il y a 2 pages de contexte. Les conclusions du rapport, les voilà. Et c'est ça qu'on a appelé une commission d'investigation. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord, si on a proprement investigué cette affaire. Je ne sais pas où je les ai mis. Voilà. Les conclusions de ce rapport. Je ne remets pas en cause d'ailleurs l'expertise, la pré-commission elle-même. Ces gens ont été très bien au sens où ils ont dit au CNRS, on a des faits à constater, on les a constatés, maintenant il faut travailler. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc ils ont pris tout à fait leurs responsabilités. C'était la commission Francis-André Vollmann. Ils ont pris leurs responsabilités en disant, on ne peut pas s'arrêter là, évidemment qu'il faut investiguer maintenant. Et comment? En répondant à ces 3 points. Point A, à ce stade, l'origine des manquements reste à déterminer au cas par cas. Donc la nature, l'origine des fautes reste à déterminer, à ce stade, comme le disait Larousserie hier dans son article. De même, à ce stade, la responsabilité individuelle de chaque signataire dans ces manquements devra être établie. Ça, c'est les conclusions de cette fameuse commission. Troisièmement, à ce stade, nous ne pouvons répondre de façon éclairée sur l'incidence des défauts sur les principales conclusions scientifiques. C'est ces gens-là qui se disent donc non experts, pour lesquels le CNRS nous prétend qu'il s'agit d'experts de haut niveau en avril 2015. Mais c'est à se rouler par terre. Sauf que moi, ça ne m'a pas fait très très rigoler. Donc évidemment, ce que demandaient ces gens, les points A, B et C, ne sont ni plus ni moins ce qui est demandé d'une commission d'investigation scientifique. Quelle est la nature, l'origine des fautes? Qui a fait quoi? Quelles sont les conséquences sur la science? Ben, eux, ils demandent que ce soit fait. Donc, on ne peut pas les appeler, eux, une commission d'investigation. Sinon, on marche sur la tête. On est bien d'accord. Je pense que vous êtes tous d'accord. Donc, ce que ces gens, ils ont fait leur travail. C'est les autres qui n'ont pas fait le leur. Moi, quand je suis sorti de ce truc, je n'avais même pas les conclusions des gens. La première chose que j'ai faite, c'est écrire au DSA. À l'époque, c'était la personne en charge des sciences de biologie végétale. Et lui dire, mais on ne peut pas s'en tenir là. C'est absolument impensable qu'on tire des conclusions sur une rigolade d'une semaine. Les cahiers de labo, même pas ouverts, rien, rien. On va demander, on va demander. J'ai demandé 4 fois, puis au final, la réponse finale, c'était, on nous a dit qu'il appartenait à la présidence de poursuivre ou pas. Puis c'était le dernier email que j'ai reçu. Et je vous rappelle que c'est sur ce rapport, sur les bases de ce rapport de pré-enquête que j'ai été sanctionné pour 2 ans, que mon confrère aussi, Patrice, a été sanctionné de 1 an et dont 11 mois avec sursis. Je ne vous citerai pas les questions qui ont été posées au cours de la commission administrative paritaire, mais il y avait quand même des gens qui étaient éberlués de voir qu'on pouvait mener, soi-disant, une commission paritaire sur les bases d'un rapport de 4 pages. Donc, ils ont demandé à Francis-André Vollmann, il s'appelle pré-enquête ou enquête, conclusion préliminaire. Évidemment, il devait être suivi de quelque chose, monsieur Vollmann. Comme vous, je reste sur ma faim, mais nous avons agi ainsi puisque nous étions mandatés pour agir ainsi. Alors, écoutez la deuxième partie de sa phrase. Il fallait travailler vite pour mieux comprendre. Alors, on devrait l'encadrer, ça, comme on devrait le mettre derrière le bureau de monsieur Fuchs, comme sa devise. Il fallait qu'on aille vite pour comprendre. Et puis, monsieur Fuchs, il a terminé. Alors, tout ça, je peux vous les donner. Hein. Il a dit, mais oui, vous vous rendez compte, il faudrait plusieurs mois au CNRS. Il aurait fallu plusieurs mois au CNRS. On a préféré travailler dans ce sens. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Fuchs, 2 ans plus tard? C'est bien lui aussi qui a donné 7 mois à une commission d'investigation pour investiguer 7 fois correctement les choses que je lui ai montrées. Donc ça lui semblait plus bizarre 2 ans après qu'il fallait effectivement des mois pour qu'une commission d'investigation fasse son travail. Et la commission d'investigation de Madame Jésus, quoi qu'on en pense, elle a effectivement duré du mois d'octobre au mois de février 2018. Octobre 2017, février 2018. Donc voilà un petit peu le genre de choses auxquelles j'ai été confronté dans la première phase. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Donc là, vous voyez, on sent évidemment... De la part du CNRS, je vais arrêter. Désolé, parce qu'il y a eu ça. On sent de la part du CNRS une immense volonté d'aller au fond des choses. On est d'accord. Mais on sent vraiment qu'on est aidé pour essayer d'avancer dans cette histoire. Alors, je vais vous dire la deuxième partie, puis je m'arrêterai là. Quand j'ai demandé, puisque c'est moi qui ai sollicité la seule investigation qui a eu lieu, avec la pression de l'ETH, je peux vous dire que ce n'était pas rigolo du tout pour eux non plus. Ils avaient contemplé tous ces mensonges de 2015, sans rien dire, puisqu'eux, ils ont tenu leurs engagements auprès du CNRS, pas comme le CNRS. Mais donc, la deuxième partie était aussi était chouette. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la coordinatrice de l'investigation au niveau du CNRS, donc je ne vais pas répéter son nom, vous savez qui c'était, elle a décidé, pour aider la commission, qu'elle allait demander au CNRS lui-même aux ingénieurs du CNRS de fabriquer un logiciel d'analyse d'image. Alors, il y en a plein, des logiciels d'analyse d'image, on peut les des super sophistiqués qui regardent des trucs répétés entre journaux, machin. Mais non, mais cette dame, en tout cas le CNRS, a trouvé bon de penser que les autres, c'est des nuls. Au CNRS, on est bien meilleur, on va utiliser le nôtre. Donc, on a vu le score du logiciel d'analyse du CNRS, donc je ne vous dis pas les scores, sur les 4 papiers qu'on devait investiguer, le nombre de figures qui ont été trouvées comme étant problématique, c'est à se rouler par terre. Mais attendez, la meilleure dans cette histoire, c'est que il est dit dans le rapport de la commission que cette dame, ou le CNRS, a décidé de ne faire tourner cet algorithme, déjà complètement pourri, que sur les figures principales. Donc on ne le fait pas tourner sur les figures supplémentaires. Surtout pas. Pourquoi? Parce que j'avais, moi, apporté via l'ETH, la preuve au CNRS à l'époque que le plus gros des manipulations graves qu'avait fait ce collaborateur se trouvait dans les données supplémentaires. Donc la meilleure façon de pas trouver des fautes, c'est d'utiliser un logiciel suboptimal et surtout de le faire tourner sur des figures dont on sait qu'elles ne contiennent pas les fautes. Et puis quand ils se font reprocher au CNRS dans le rapport de la commission de ne pas avoir fait leur travail, parce que la commission elle a investigué les figures supplémentaires et elle s'est plainte dans le rapport en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Quand le CNRS se fait prendre la main dans le sac à ne pas avoir fait son travail et qu'il ose donner à la commission administrative paritaire une traduction libre, française, d'un rapport qui a été rédigé en anglais par une commission qui n'a exercé qu'en anglais et qui a écouté tous les gens en anglais. Il trouve le moyen encore de donner à une CAP une traduction libre de ce rapport. Je vous laisse même pas imaginer ce qu'il y avait dedans. Parce que les traductions libres d'un rapport de commission du CNRS, ça vaut son pesant d'or. Mais comment a été traduit la donnée supplémentaire au moment même où la commission reproche au CNRS de ne pas avoir fait son travail? Vous savez comment ils les ont traduits? Supplémentaire et figure, vous savez, juste à ce moment-là, le reste c'est écrit normalement, juste au moment où le CNRS se fait taper sur les doigts, écoutez bien, ça vaut son pesant d'or. C'est un peu comme il faut travailler vite pour mieux comprendre. C'est du contenu périphérique. Alors, j'ai demandé aux membres de la CAP, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire ce que c'est que le contenu périphérique d'un papier scientifique? J'ai même demandé au président de la commission, et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Voynet, c'est n'importe quoi. Ben, j'ai dit, oui, mais le problème, c'est que c'est comme ça que ça a été traduit dans le rapport qui a été donné à la commission administrative paritaire pour, effectivement, transformer des données qui sont tout aussi importantes que les autres en des choses subalternes qui n'ont aucune valeur. Ben, évidemment, oui, parce qu'on voulait cacher le fait qu'on n'avait pas fait son travail. Donc il faut demander à ces gens-là en quoi ils ont eu l'idée d'aller soi-disant aider une commission en faisant les choses que je viens de vous dire. Alors, séparément comme ça, ça paraît rien, mais on les met bout à bout et vous voyez, ça dit tout. Pourquoi il n'y a pas eu de personne qui était spécialiste en RNAi dans cette commission d'investigation? 6 dates sur 9, je sais qu'il y était cette personne, elle me l'a dit plus tard, elle s'est plainte. Comment ça se fait? On a l'impression que vous voulez éviter, CNRS, que je fasse partie de cette commission. Vous ne voulez pas d'un spécialiste de RNAi, au final? Bah oui, bah alors on ne trouve pas les fautes, parce qu'on fait tourner des algorithmes pourris sur des figures qui n'en contiennent pas. On demande aux gens de leur donner au CNRS, en pleine vacances d'été, sous 3 semaines, tous les documents qui datent d'il y a 15 ans, alors que la commission elle existe depuis 6 mois. Et puis en même temps, on fait ça, la dernière, pour bien faire en sorte qu'on ne voit pas les problèmes. Le problème, c'est que la commission les a vus, les problèmes. Et le communiqué qu'a fait Monsieur Petit sur ces problèmes, je peux vous dire que ce n'est pas ce qu'il y a dans le rapport de la commission. La commission, elle ne s'en est pas occupée des problèmes avec les corrections. La commission, elle s'est occupée de la requalification en termes de fabrication, de manipulation d'images qu'elle n'avait même pas été investiguée en 2015. Voilà les conclusions de cette commission. Il s'agit donc d'une réinvestigation qui aurait dû être faite en 2015, et on n'aurait pas perdu tout ce temps, et on aurait eu les vrais coupables identifiés, moi-même y compris, j'admets que j'ai fait des fautes, et pas cette comédie, et j'espère réellement que cette fois-ci, c'est une fois pour toutes, puisque maintenant c'est dit, ce sera dit, je suppose, ça a été dit d'une certaine façon, ce sera dit par d'autres, je vous le dis, ça s'est produit comme ça, j'ai toutes les données pour le prouver, j'ai pas peur de le dire, c'est pas le CNRS qui me fait peur, et je le dis parce que les nouvelles personnes du CNRS, comme Mosseri et Petit, n'ont pas l'air d'être des gens qui sont contre ça. Ça a l'air d'être des gens qui veulent faire progresser le système. Le problème, c'est qu'ils ont maintenant dans les mains ce genre de situation-là. Elle n'est pas finie, cette situation. Il va falloir la traiter. Les cahiers de labo qui ont été inventés de toutes pièces. On va vous saisir, monsieur Mosseri. J'espère que vous allez montrer ce que c'est que le CNRS cette fois. On vous attend. Je vous l'ai dit déjà dans un email. On vous attend. Investiguez cette fois. Sauf que là, vous n'allez pas encore me dire à moi de revenir pour être investigué, parce que vous ne me verrez plus. Mais les trucs, ils seront rétractés bien avant. Il y a un gars, par contre, que vous devrez vraiment investiguer. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Donc, on en a assez, d'accord, de ce qu'ils nous ont fait, ces autres gars-là, avant. Et on espère que la nouvelle équipe dont vous faites partie, et Petit, qui semble être de bonne foi, qui veut faire quelque chose, va enfin arrêter tout ce cinéma. Nous, on a souffert. Vous imaginez bien que je me suis retrouvé suspendu pendant 2 ans, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Pourquoi? Sur la base d'un machin qui fait 4 pages, avec les conclusions que je vous ai données, et ça vous semble bien, ça? Évidemment que c'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire contre ces gens? Je peux me plaindre maintenant, avoir du ressentiment pour toute ma vie? Non. Ce que je dis, c'est voilà ce qui s'est passé. Faut plus que ça se passe comme ça. C'est pas digne d'une institution comme le CNRS qui a fait croire en plus que ça s'est pas passé comme ça, qui a fait croire que Fuchs qui faisait ses interviews, nous ne transigeons pas sur l'intégrité et tous ces trucs-là, mais enfin, c'est à se rouler par terre, c'est d'un cynisme abominable. Hein. Et ça doit être terminé. Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir la nouvelle équipe prendre les choses en main, sérieusement, nous montrer des vrais travaux, de vraies commissions qui ne sont pas influencées avec des logiciels à 2 balles, et qui fait son travail, et enfin qu'on puisse souffler et avancer sur ces trucs-là, y compris avec les contentieux qui nous restent à régler avec eux. Tout ça vraiment pour dire il y en a marre, vraiment, de tout ça. On s'est fait complètement rouler dans la farine par une organisation en tout cas par des gens. C'est pas une organisation, j'ai rien contre le CNRS, pas ces chercheurs, en fait. Mais permettrait pas de les juger. Enfin, ces gens-là dont je vous ai parlé, il y a bien des noms derrière tout ça, il y a bien des gens qui ont fait tout ça. Il est grand temps maintenant qu'on fasse quelque chose à propos de ces gens. Vous ne pensez pas? Moi je le pense et je le ferai. Mais je ne vais pas le faire contre les nouvelles personnes. Tout ce que je peux leur dire, c'est regardez ce qui nous est arrivé. Vous ne nous croyez pas, vous n'avez jamais voulu le voir. Parce que ça ne vous intéresse pas, parce que c'était avant, parce que je ne sais quoi. Regardez, faites le bilan de ce qui s'est passé et apprenez tout ça. Comme moi, j'ai appris, je m'en suis pris plein la figure. Certes, je suis une sorte de survivant. Excuse-moi. Oui, il faut vraiment qu'on puisse... Je crois interpréter ce qui se passe dans le monde, ce que je décrivais, dans le monde français, ce que j'écrivais tout à l'heure, je décrivais rapidement tout à l'heure, l'intérêt de Thierry Mandon au moment où il est arrivé pour les questions d'intégrité, la nomination de Pierre Corvol pour faire ce qu'il a fait, la création de l'office et tout, je crois qu'il n'est pas complètement indépendant. J'espère, y compris ce qui se passe aujourd'hui au CNRS. Oui. Voilà. Mais c'est le but, et c'est exactement pourquoi je viens là. C'est exactement pour ça, il faut que ça change. On ne va pas refaire le passé, c'est fini. Je m'en suis pris plein la figure, tant pis, c'est comme ça. Et puis je l'ai mérité d'une certaine façon. Mais au moins que ça s'arrête, qu'on ne fasse plus souffrir. Moi je peux parler, je suis à l'ETH, j'ai une situation facile par rapport aux autres. Et les tout petits qui subissent ça à longueur de temps, ceux qui ne peuvent pas parler et qui n'ont même pas la force psychologique. Il faut... il faut qu'on passe dans les questions. Je crois qu'il y avait une question d'Emmanuel Didier, ou pas ? Et puis une question au fond. Je n'exclus pas qu'on dépasse un peu, parce qu'il faudra aussi qu'on puisse entendre correctement Boris Barbeau. Sauf qu'on est la salle, c'était Martin. Ça s'est vu, c'est bon. Je pense qu'on peut. Bon, vous êtes dehors vraiment ? Oui. Emmanuel Didier, tout d'abord. Je suis très content de vous entendre aujourd'hui. J'ai vraiment une grande question de vous poser. Les principales, peut-être, sur lesquelles vous insistez, c'est donc je suis sociologue. Vous allez comprendre que j'insiste sur ce point. D'abord, le premier point, c'est que vous avez très peu insisté sur le fait que les réactions, enfin les problèmes qui ont eu lieu dans les articles qui vous concernent, portent sur les images. Et est-ce que, d'après vous, il y a une spécificité sur le fait de publier des images et le type d'image nouvelle, est-ce que ça fait quelque chose tout à l'image ? Alors, c'est ma première question. Oui. Je peux déjà répondre à cela, si vous voulez. On va grouper, là, il faut absolument qu'on conserve du temps pour... Ensuite, deuxième question, vous avez insisté sur le fait que ça a changé pas mal votre façon de gouverner votre... Radicalement. Radicalement. Et vous dites que vous continuez à publier, à faire des bons articles, etc. Mais j'aimerais savoir si, d'après votre propre estimation, si vous aviez toujours mené votre carrière comme vous la menez maintenant, est-ce que vous auriez eu la carrière aussi brillante que vous avez eue par Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est encore une question d'interprétation. Vous avez fait beaucoup d'éloges sur les étudiants qui travaillent avec vous, et on a eu raison, et c'est très intéressant. Mais je suspecte, que les gens qui utilisent Papier pour dénoncer des fraudes sont souvent des étudiants, justement. Qui trouvent que c'est pas normal de voir les papiers, qui voient ça d'assez près en fait, qui voient d'assez près que les papiers sont limite, et ne peuvent pas prendre la parole parce qu'ils sont très faibles en tant qu'étudiants, et que donc ils utilisent l'anonymat. Je vais les prendre à l'envers, la plus fraîche maintenant. On ne sait pas vraiment qui est derrière Papier, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que les étudiants voient, et ils sont eux dans l'insécurité, ils voient l'avenir, les difficultés, etc. C'est tout à fait, je pense aussi, Sarah Yamaouche le disait là dans son article, c'est normal que des étudiants frustrés qui voient des choses, qui contemplent des malfaçons, des méconduites, soient probablement les premiers à faire quelque chose sur Papier. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants sur Papier. Il n'y a pas que ça, il y a des gens bien, des gens pas bien, des gens qui se fichent de la science. Il y a une dame qui fait du sport ces week-ends, elle se fait sans papier de Papier, comme elle va faire de la bicyclette, si vous voulez. Vous pensez ce que vous voulez de ce genre de personne. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Oui, bon. Après, il y a la deuxième question. Est-ce que j'en serais où j'en suis si j'avais suivi la rigueur maintenant que je m'impose ? On aurait probablement été moins vite, puisqu'étant donné qu'on doit travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver aux standards que moi, je me suis fixé. Mais attention, les standards que je me fixe à moi sont bien au-delà de tous les standards d'un labo standard. D'accord ? On ne parle pas non plus de ce qu'on fait en ce moment. De toute façon, on l'a bien mérité, mais on le fait. Donc la réponse est oui. Je pense qu'on n'aurait pas publié aussi rapidement nos données. Est-ce que ça aurait fait que je ne suis pas une star ou une star ? C'est pas moi qui l'ai décidé que j'étais une star. Ce sont des gens qui m'ont starifié. C'est les mêmes gens qui m'ont déstarisé ensuite. Mais la question, je pense, c'était est-ce que vous auriez eu une carrière aussi fulgurante en appliquant ces choses-là ? Non, probablement non. Est-ce que ça aurait fondamentalement changé nos découvertes scientifiques ? Pas ma carrière, à moi. mes découvertes, nos découvertes, les découvertes de mon labo, non, ça n'aurait rien changé. Ça aurait changé ma carrière. Oui. Pardon, il y avait une autre première question. L'image Photoshop est un médium, si vous voulez, dans lequel la détection des anomalies, des méconduites, des fraudes est beaucoup plus facile que, par exemple, l'analyse de données gigantesques de deep séquençage, où là, il faut un informaticien dédié pour reprendre ces données. Ça n'est pas donné à premier venu avec son œil ou une machine à aller trouver des fautes dedans. Donc oui, le médium de la biologie moléculaire telle qu'elle est publiée actuellement ou telle qu'elle était publiée avant, par des gels, des photos, se prête beaucoup mieux à la détection de ce type de choses. Je l'ai dit récemment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une grande vague le temps venu, lorsque les gens seront un peu... auront un peu marre de taper sur les figures de blottes de biologie moléculaire, les analyses seront faites, les réanalyses seront faites sur les données de séquençage à haut débit et on découvrira le même type de choses extraordinaires, voire des vraies fraudes, hein, dans ce cas-là, de l'invention de données. Donc, oui, là on touche la pointe de l'iceberg. Oui, Pierre-Étienne Boucher de Sorbonne Université, je travaille dans la biologie. Je voulais faire une remarque et vous poser une question très sévère et très brutale. Oui, allez-y. En fait, quand on vous entend parler, vous dites, j'écoutais surtout le début de vos propos, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui disent des choses sans rien dire. Quand vous dites au début que vous êtes directeur d'un groupe, chef de groupe, que vous encadrez des étudiants, j'aimerais vous rappeler que des étudiants, ce sont des personnes qui sont en cours de formation. Et quand on est à la tête et quand d'un groupe et qu'on est responsable de ces étudiants, on a pour devoir, sinon c'est une faute professionnelle, d'aller vérifier les travaux des étudiants. Avant, on ne fait pas confiance à un étudiant par nature, premièrement. Ça, c'est vous qui le dites. Bah, écoutez, demandez à tous les enseignants ce qu'ils en pensent, si je me trompe. Moi, je pense que je suis plutôt dans le vrai là-dessus. Ensuite. La deuxième chose, oui. Mon labo n'était de très loin pas composé d'étudiants. D'accord. J'avais très peu d'étudiants, justement pour pouvoir m'occuper de. Stagiaires, donc de cette pierre, je suis d'accord avec vous. Après, vous dites finalement, c'est pas de la fraude, j'ai arrangé des images, etc. Bon, je ne peux pas tout contrôler, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus vigilant. C'est pas de la fraude. Eh bien, moi, j'ai écouté la conférence de Pierre Corbeil, qui a été donnée au Centre de recherche des cordeliers à Paris. Mmh. Et Pierre Corbeil, il donne un diagramme où, en fait, la négligence au début est quelque chose qui est, bon, on n'a pas toléré, mais enfin, minime. Et puis, évidemment, à l'inverse, on a la falsification, etc. Il y a toute une graduation là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, par rapport à ce que vous nous avez expliqué, vous avez la chance d'être un scientifique. Parce que si vous étiez un biologiste médical dans un laboratoire d'analyse et que vous laissiez passer les erreurs des machines ou des intervenants, des personnels paramédicaux, et que les groupages ABO, Résuscal, MLFS, LUFI, etc., étaient erronés, monsieur, aujourd'hui, vous seriez en prison. Vous savez, ensuite, c'est intéressant ce que vous dites parce que je peux vous répondre à ça. Là, il faut finir la fin de la question. Vous répondez, on prend une dernière question et après Boris Barbeau. Voilà, donc évidemment, je ne vous accuse pas, je dis simplement, voilà, il y a eu des manquements très graves, de la part d'un responsable de laboratoire qui était censé encadrer les étudiants. Et quand vous dites, moi j'hallucine quand vous dites, les étudiants m'interpellent, me disent, monsieur, il faut vraiment évoluer là-dessus, parce que vous comprenez, non mais on est vraiment tout cœur avec vous, il faut vraiment que vous alliez vérifier, parce que vraiment le monde à l'envers. Et finalement, comme vous semblez vous dédouaner d'un certain nombre de vos responsabilités, même si je vous conseillerais une chose ce soir, c'est le courage d'être venu ici devant une cohorte de biologistes, j'imagine, qui vous attendent au tournoi. Mais, enfin, le biologiste dont je suis. Et j'ai envie de vous dire une chose. Finalement, en vous écoutant, bon, vous allez donner des réponses, mais je me demande, je réfléchissais à votre psychologie, excusez-moi, et je suis en train de me demander si, finalement, la question est brutale, vous n'êtes pas dans la course à une triste notoriété qui, à l'arrivée, éclabousse la carrière future de vos étudiants. Et finalement, quand vous dites, il y a eu des erreurs, je les assume, il faut progresser, ben moi, vous savez à qui ça me fait penser. ça me fait penser à quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui a voulu faire progresser le système bancaire, et je me demande si vous n'êtes pas en train d'essayer de devenir le Jérôme Carpel de la biologie. Alors, pour la notion de prison, donc évidemment, je ne vais pas aller en prison pour ce que j'ai fait ou ce qui a été fait dans mon laboratoire. C'est intéressant que vous souleviez ce point-là parce qu'une des premières personnes qui est venue porter, qui est venue m'aider dans cette situation et m'a expliqué un certain nombre de choses, c'est le professeur Alain, qui a été en prison pour les raisons que vous évoquez. Ça a été l'une des premières personnes qui est venue me parler. Il est venu me parler parce que son fils a une chaire de biologie au département, dans le même département que moi, et il m'a dit tout l'inverse de ce que vous me dites. Lui, il a vécu ça. Bon, il y a des avis qui ne sont pas partagés avec le vôtre, d'évidence, et de gens qui ont été en prison, qui ont vécu ça. La deuxième chose, quand mes étudiants sont venus me dire comment faire, c'était pas quand j'étais chef de laboratoire, c'était au moment où j'étais submergé d'accusations vraies ou non vraies sur papier, et que j'hésitais, je pense comme tout être humain, je me posais la question de comment j'allais gérer ces allégations, l'ampleur des allégations, et c'est eux qui m'ont dit que la meilleure solution serait de reprendre les papiers de fond en comble. Donc là, vous avez mal interprété ce que j'ai dit. Lorsque mon labo fonctionnait, mes étudiants ne me donnaient pas ce genre de conseils. La troisième chose, c'est j'avais très peu d'étudiants, très peu. Mon labo était essentiellement fait de post-docs, de gens mature, on va dire, senior, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que j'ai le plus de temps possible à m'occuper de mes étudiants. Là où je ne m'en suis pas suffisamment occupé, c'est justement de vérifier ou de faire moi-même le formatage de certaines de leurs figures de façon erronée, et j'admets que j'ai totalement fauté, je le redis. J'ai fauté et je ne leur ai pas fait du bien, sachant que le devenir de ces étudiants n'a pas été foncièrement affecté par ce qui s'est produit. J'ai fait attention à leur devenir par la suite, en me mettant moins en avant pour assumer mes responsabilités dans ces cas-là. Donc il ne faut pas transformer ce que j'ai dit. Mais d'un autre côté, quant à Jérôme Carviel, je pense que c'est une boutade, mais je pense comprendre ce que vous dites. Vous remarquerez aussi que je ne m'exprime qu'aujourd'hui de cette façon, après 3 ans. Je n'ai jamais prononcé un mot, en dépit de tout ce qui a été dit sur moi. Donc donnez-moi au moins le crédit de donner ma version, même si elle ne vous plaît pas. Sachant que c'était pas l'envie qui me manquait de m'exprimer. Je pense que c'est avec des gens comme vous, qui sont très critiques, et je vous l'ai dit, je l'admets que vous soyez critiques, qu'on peut faire évoluer les choses. C'est-à-dire, Olivier, non, tu ne peux pas quand même dire des choses comme tu dis maintenant. Tu as tes responsabilités, tu dois les admettre, je les admets. Mais je comprends que vous soyez mécontent. D'un air de dire, le gars, il dit oui, passez muscade, finalement, c'est pas si grave. Je dis tout le contraire, c'est très grave, mais ce dont on parle aujourd'hui, le choix que j'ai fait de discussion, c'était pas celui-là. Le choix de discussion que j'ai fait, c'est ce que j'ai ressenti des droits et devoirs au terme des allégations de mes conduites scientifiques. Ce que j'ai vécu, j'ai apporté mon témoignage. Je pense que vous avez compris quand même que une institution en particulier, sur les deux qui ont été engagés, 3 qui ont été engagés dans cette histoire, s'est comportée d'une façon assez particulière. Et je n'aimerais pas, parce que moi j'ai beaucoup de chance, je suis Olivier, on m'écoute. Par exemple, là, ce soir, j'ai le TH derrière moi, j'ai la chance d'avoir une affiliation duale, peut-être pas pour longtemps, qui sait ce qui va se passer avec le CNRS, mais d'ailleurs, je m'en fous éperdument, mais le point est là, c'est que si je ne dis pas, moi, si c'est produit, toutes ces anomalies, etc., et qu'on avance, qui va le dire et qui aura la force de le faire, puisque moi, je suis dans une situation de luxe total, je l'admets, par ma situation, par ma notoriété, par le fait qu'on attend avec la langue qui va tomber, qu'est-ce qu'il va dire Voynet sur ce test. Soit, j'en profite pour dire qu'il y a des trucs qui vont pas. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Il y a des méthodes qui ont été employées au CNRS, indépendamment de ce que j'ai pu faire. Je n'ai pas eu un procès équitable qui aurait dû me confronter aux choses que soi-disant on me reprochait. À aucun moment on ne m'a donné cette opportunité de m'exprimer. Je l'ai demandé des dizaines et des dizaines de fois. J'ai demandé les investigations, les cahiers de labo, etc. Pourquoi m'a-t-on systématiquement refusé ça? Expliquez-moi. C'est de ça dont je parle ce soir. Vos points sont importants. Et je ne fais pas de vous un ennemi ou quoi que ce soit. Merci, on va prendre une toute dernière question avant d'entendre vos réserves. Oui, en fait, il y avait donc, Forest Carbon, je suis... Enfin, pardon, je vais... du site Tortillas. En fait, j'ai deux questions très rapides avant de décider de parler moi-même. L'un, c'est, si on reprend le titre de rapport de ETA, c'est « Properly conducted, improperly presented », ou quelque chose comme ça. Mm. Et ce qui est un peu frappant dans le rapport, c'est bien qu'il y ait une analyse des données sources, on n'en voit aucune. Et pourquoi ne pas publier les données sources qui ont convaincu la Commission pour convaincre vos lecteurs? Alors, monsieur, ces données sources, vous les trouverez dans chacune des corrections et rétractions qu'on a produites. Allez-y. Je note, mais allez-y. Bon, il y en a où ça n'a pas été trouvé, tout simplement. Alors, je dirais une autre chose, c'est d'après vous, les données sources sont... On ne les a jamais cachées. Donc, je peux aussi les montrer. Alors, ce sera un travail considérable parce qu'il y a du lourd. Mais ça a été fait pour la commission. Bien sûr. Mais là, pour les... Mais on ne les mettra pas sur papier. Ça, non. Sur votre site, il n'y a aucun problème. Mais je vous le conseille. Mais comme je vous ai dit, je vous conseille aussi de lire les textes qu'on a publiés. Je me compterai peut-être parmi les sites que j'aimerais voir, les données sources, les gels entiers. La deuxième question est un peu dans les questions dures. Donc, vous dites que vous avez manqué de vigilance, d'attention, donc vous ne savez peut-être pas toujours dans le détail ce qu'ont fait vos coéquipiers. Par contre, ce que vous avez fait, je pense que vous devez en garder un souvenir. Ah oui. Et je voudrais savoir, parmi les fichiers qui sont, je suis désolé, clairement manipulés, combien c'est de votre action? Vous voulez dire sur ce qui a été posté sur papier? Par exemple, ou corrigé, hein, enfin... De relevant de mon activité à moi. Il y a des figures que vous avez préparées. Ah oui, oui. Je dirais sur tout ce qui a été publié, probablement 20% de ce qui a été publié vient de moi. Merci. À peu près. Ma thèse a été investiguée ni par Peppir, ni par ETH, ni par quoi que ce soit. Elle a été investiguée par l'université d'East Anglia, à ma demande. Ça a pris un an et demi. Vous avez lu les conclusions. Vous ne verrez pas le rapport, mais à un certain moment, monsieur, il faut aussi faire confiance aux institutions, même si je viens de démontrer que... attendez, parce que... Et on n'est pas forcément redevable à Peppir. Peppir est un bon lanceur d'alerte, mais c'est tout. On va rester sur la confiance aux institutions. Juste comme Boris s'est passé la parole, parce que je me suis mélangé les pinceaux avant de savoir. La toute dernière question qui attendait, qui n'avait pas pu être posée, et puis ensuite tu rebascules et tu prends la parole pour la fin. Une question sur le paradoxe. J'aimerais comprendre pourquoi avoir falsifié les images, pourquoi. Alors que les expériences avaient été correctement menées, donc c'est-à-dire que les résultats bruts non falsifiés étaient disponibles. Pourquoi? Oui, bien sûr. Il y a une catégorie de faits tels que vous les évoquez là. Ce paradoxe, il est essentiellement présent sur les travaux du collaborateur qui est maintenant plus mis en cause sur cette affaire. Je n'ai pas de réponse à vous donner. J'ai essayé d'avoir la réponse à ça. Comment est-ce que c'est possible, en tenant des cahiers de cette propreté, avoir des données absolument impeccables, on se retrouve à avoir des figures qui sont des mélanges d'expériences qui n'ont pas lieu d'être? Cette question a été posée par trois commissions à la même personne et on n'a jamais obtenu de réponse. Dans ce cas-là, ça paraît... Dans mes cas à moi, ce n'était pas ça qui s'était produit. Mais dans le cas que vous citez de votre problème, ça paraît assez simple, ça veut dire que Pardon ? Dans le cas de votre collègue que vous citez là, vous l'avez. C'est pas à moi de le. Un paradoxe, si le cahier de manip montre des expériences bien menées, mais qu'au final le résultat vient d'un. Enfin, la figure finale est le résultat d'un montage, oui. Ça veut dire que le cahier aussi. Ça, on n'en avait pas la preuve jusqu'à récemment. Mais je peux vous dire que ce que vous dites est vrai. Et donc c'est une catastrophe, oui. Je ne le savais pas avant. Ça m'a pris 2 ans pour le voir. Maintenant, de dire à ce que moi j'ai fait, je vois toi faire hocher la tête. Je dis, j'ai pas dit que j'ai rien fait. Ce que j'ai dit, c'est que moi, ce que je faisais, c'était de la rapidité, pas de l'erreur. C'était, je n'avais pas le temps. Je montais mes figures n'importe comment. Je m'en fichais totalement. Et c'est guère mieux que ce dont on est en train de parler. Je l'avoue. Oui. Et pourquoi? Parce que ça ne m'intéressait pas d'aller rechercher des trucs que j'avais à droite ou à gauche, je mettais ça. Voilà. Évidemment que c'est terrible de faire ça. Et je l'ai dit, ça a été dit. Donc faut pas venir en disant Voynet prétend qu'il n'a rien fait. Évidemment que j'ai fait des bêtises. Maintenant, les gens l'ont jugé, ils ont jugé ces bêtises. Ils m'ont puni pour ce que j'ai fait, moi. Ils pensaient que le TH, ils avaient fraudé, ils l'auraient gardé dans leur mur. Il faut vraiment donner un avertissement. Ils m'ont puni pour ce que j'ai fait, moi. Et moi aussi, mis en avant en tant que responsable de chaque niveau. Ce sont des choses distinctes. J'ai fait des bêtises, je l'ai dit. J'ai été trop